Savant, si on peut utiliser cette expression. Mais en vérité, ça c'est une grave erreur. On donne un exemple. Ça peut être un exemple simpliste, mais c'est un exemple qui permet d'approcher les choses, de bien les considérer. Par exemple, supposons qu'un individu prend un livre maintenant, la sunna, qu'il ouvre, il trouve le hadith authentique. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, an ziyarat al-qubur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la visite des cimetières. Alors tout de suite il va aller à ses copains, à ses amis, il va leur dire nous étions sur le mauvais chemin, nous visitions les cimetières et tout, alors que nous avons le hadith authentique. Alors que s'il avait donné aux savants, le savant qui a étudié sur le Coran et la Sunna des dizaines d'années, le savant alors tout de suite lui aurait montré le deuxième hadith qui annule, si on veut, le jugement, qui annule le jugement du premier hadith, c'est-à-dire l'interdiction du premier hadith, et qui dit كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكرنا الآخرة. Premièrement, il se serait simplifié les choses s'il avait posé la question au savant. Nous n'en dit pas, pose la question au savant et suis sa parole aveuglément comme tu suis le Coran et la Sunna. Non, seulement le savant, il te montre le hadith, il te montre les paroles que tu peux juger selon ton niveau, selon ton niveau de compréhension, selon le niveau avec le est-ce que tu peux lire, est-ce que tu peux revenir au est-ce que tu peux lire l'arabe, est-ce que tu peux revenir au livre. Ça revient à l'individu, mais le savant, c'est important. Le fait de questionner le savant, je veux dire, est une chose très très importante en vérité. Et Dieu ne nous a ordonné dans le Coran de revenir au savant que parce que beaucoup de gens ont dévié du droit chemin quand ils ont cru qu'ils pouvaient comprendre le Coran et la Sunna et les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout seul. Et c'est pour ça que le grand danger, c'est d'insulter les savants et de parler dans leur dos, parce que cela fait en sorte que l'individu qui t'entend ne fait plus confiance à aucun savant. Et peut-être que cette chose-là va faire en sorte que le fait de parler, de critiquer les savants, surtout que les critiques des savants, on remarque que ce sont les gens nouveaux dans la religion qui tombent dans ces paroles-là, dans ces actes-là. Alors que ceux qui ont de la science, ceux qui ont des années derrière eux dans l'étude du Coran et de la Sunna, ils ont le respect des savants. Et c'est pour ça que les savants disaient que la première étape, généralement, dans Talib al-Ilm, c'est Ta'alum, le fait de se sentir au-dessus des savants. Pourquoi? Parce qu'on est au début, on ne comprend pas pourquoi le savant a dit ça. Et que celui qui ne comprend pas, ou bien il suit aveuglément, sans comprendre, ou bien il dit, ça c'est une erreur. Peut-être qu'il le dit sans aucune preuve. C'est pour ça que surtout au début de notre iltizam, au début de Talib al-Ilm, au début de la route si on veut, quand on commence à s'accrocher à la religion, à ses prescriptions, l'individu doit aller doucement, il marche doucement, il doit faire attention aux fosses, il doit faire attention si on veut aux mines, pour ne pas dévier du droit chemin. Et c'est pour ça que l'imam Ahmad a dit « Iyaka an taqula kalimata laysa laka fiha imam » Prends garde de dire ce que personne avant toi n'a dit. Et quand il dit personne avant toi, c'est-à-dire une personne des trois siècles, des trois siècles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté dans le hadith muttafaq alayh, khayrun nasi qarni wal thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, c'est-à-dire les meilleurs individus sont les individus de mon siècle puis ceux du siècle suivant, puis ceux du siècle suivant. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a rapporté cette parole dans ses livres, et il ne s'autorisait point, comme le sait celui qui étudie bien ces paroles, il ne s'autorisait point à dire quoi que ce soit qui soit contraire, ou bien de dire quoi que ce soit qui soit nouveau, que personne n'ait dit avant lui, que ce soit un sahabi, d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un sahabi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un successeur du compagnon sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un des grands savants qui a dit en rapportant une parole d'un compagnon par exemple. Donc cela est un élément très important, c'est-à-dire le fait de revenir aux savants, de prendre le ilm des savants. C'est pour ça que le premier siècle de l'islam, c'était des siècles où le bien était, si on veut, prépondérant par rapport au mal, c'est-à-dire le mal était rare, pas comme à l'époque où on vit, où le mal est prépondérant vis-à-vis du bien. C'est pour ça que tous les gens prenaient le ilm directement des savants. L'asl fi talab al-ilm al-akhdhu an ahlihi. L'asl fi talab al-ilm akhdhu an ahlihi. Et c'est-à-dire que la science se prend des gens de la science. C'est-à-dire, si par exemple tu as des questions à poser, par exemple, tu as un problème d'architecture, par exemple, tu veux des conseils, tu ne vas pas aller au médecin, tu ne vas pas aller chez le boucher, tu ne vas pas aller chez le mécanicien, tu vas aller chez l'architecte, il va te donner des conseils. Et si tu peux trouver le plus fort architecte, tu ne vas pas le laisser pour un architecte moins fort que lui, ou bien qui a un diplôme inférieur à son diplôme. Tu vas aller au mécanicien spécialisé dans le type, dans la marque de ta voiture. De la même façon, si tu achètes une machine, un appareil, tu trouves un mode d'emploi. Et c'est tout. Et ce mode d'emploi, si tu ne le suis pas, si tu suis ta tête et après ton appareil se casse, tu ne vas pas dire je vais aller chez le constructeur, je vais lui dire pourquoi il s'est cassé ta machine. Non, tu sais que c'est toi qui as commis l'erreur. C'est pour cela que les ulama, ce sont eux qui connaissent Kitab ou Sunna mieux que nous. Mieux que nous. Toute leur vie, ils l'ont passé à étudier le Kitab ou Sunna. Et toutes les questions qu'on se pose, il faut bien savoir qu'ils se sont posées ces questions-là et qu'ils les ont données aux savants qui étaient avant eux. Il ne faut pas croire que nous, on a eu une chose nouvelle, que personne. Qu'on a découvert une chose nouvelle que personne n'a découvert avant nous. Et c'est pour ça que je veux parler d'une histoire, qui est arrivée, que j'ai assistée. Abu al-Hassan Mustafa ibn Ismail, qui est un des grands talabat al-ilm du Yémen, fi al-hadith, un des plus forts talabat al-ilm à cette époque, fi al-hadith, est venu en Jordanie pour poser plusieurs questions au Cheikh al-Albani, l'allama Cheikh al-Albani, le grand savant de cette époque. Et Abu al-Hassan, comme j'ai dit, il avait beaucoup de questions à poser. Et il avait pu arriver à des conclusions qu'il croyait que c'était des conclusions que personne n'avait pu trouver avant lui. Mais, pour être sûr qu'il ne s'est pas égaré, que ce sont des conclusions fausses, il a voulu les montrer à Cheikh al-Albani. Quand il les a montrés à Cheikh al-Albani, il a trouvé que Cheikh al-Albani, non seulement il connaissait ces paroles-là, mais en plus, il lui a ramené d'autres fawaïd, d'autres paroles, d'autres choses qu'il a, quant aux conclusions plus importantes, qu'il lui a donné des détails, et qu'il lui a montré les erreurs, qu'il lui a montré, c'est-à-dire il lui a donné un commentaire qu'il ne s'attendait pas à trouver. Il croyait que les conclusions, Abul Hassan, il croyait que les conclusions auxquelles il était arrivé, personne ne pouvait y arriver. Mais quand il a constaté que Cheikh Al-Albani connaissait tout ce qu'il avait trouvé lui en plusieurs années, en plus de 20 ans de Talib al-Ilm, il a dit, alors la valeur des savants a augmenté à mes yeux. Pourtant, c'est bien connu, Abul Hassan, quand il est venu, avant de questionner Cheikh Al-Albani, il respectait beaucoup et connaissait la grande valeur de Cheikh Al-Albani. Mais après cet événement, il a dit, sa valeur vraiment a augmenté à mes yeux. C'est ainsi que nous devons, ça c'est sa parole, et c'est ainsi que nous devons bien respecter les savants et bien connaître leur valeur, ne pas croire qu'ils ignorent des choses que nous avons pu percevoir, que nous, avec notre intelligence, ils sont, comme disent certains, entre quatre murs, ils ne peuvent pas percevoir les choses, non. Et Inch'Allah, nous verrons ça après Inch'Allah. Après cette introduction, nous allons parler du savoir, c'est-à-dire l'ilm, et bien montrer que le savoir, c'est-à-dire quand je parle du savoir bien sûr, je parle de savoir religieux, comme on a dit, le savoir qui a rapport à la vie quotidienne de l'individu, ça revient à lui-même, à sa considération, et l'important c'est qu'il ne fasse pas quelque chose qui soit interdit par l'origine. Donc quand je dis savoir, c'est l'ilm, al-din. Al-ilm huwa al-najah, c'est-à-dire la vie des individus, la vie des cœurs, c'est par le savoir, par la science. Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un des grands savants, le salaf des trois premiers siècles, a dit « La a'lamu ba'da an-nubuwati afdala min bathi al-ilm » La a'lamu ba'da an-nubuwati afdala min bathi al-ilm. C'est-à-dire, je ne connais pas après la prophétie mieux que le fait de propager la science. Et en même temps, Abdullah Mubarak lui-même a dit, quand certains lui ont posé la question, jusqu'à quand vas-tu apprendre et à rester avec tes livres et à courir après les savants ? قالوا له إلى متى تكتب العلم قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. C'est-à-dire, c'est possible que la phrase, que le mot qui peut me faire entrer au paradis, qui va me faire entrer au paradis, qui va me profiter, je ne l'ai pas encore écrit. C'est-à-dire, il sait que tant qu'il n'est pas mort, il ne doit pas arrêter d'apprendre. Toute personne doit continuer à apprendre, même si elle arrive à un âge avancé. Et certains savants ont commencé à apprendre après la quarantaine. Les Sahaba, quand ils sont entrés dans l'islam, ils sont rentrés à des âges différents. Et chacun a appris et n'a pas arrêté d'apprendre. Et nous, on ne demande pas à tous les gens de devenir savants. Non. Mais chacun doit apprendre et apprendre chaque fois qu'il a un vide, chaque fois qu'il a un temps vide, il doit apprendre. Pourquoi ? Parce que toute personne doit prier, toute personne doit connaître son Dieu, le Dieu qu'il adore, toute personne doit faire les ablutions, toute personne a besoin du savoir. C'est-à-dire chacun apprend selon ce qu'il peut. Et quand par exemple quelqu'un revient de son travail, revient de l'école, si on veut, du lycée, de l'université, il essaye de prendre un livre, une cassette, de suivre. Hier il avait laissé le sujet, il n'a pas terminé, il veut maintenant savoir d'autres détails au sujet de cette question. Ça, c'est beaucoup mieux que de passer son temps devant la télévision, que de lire les journaux, que de lire des choses que, quand on se rend compte bien, quand on analyse bien son état après plusieurs années, on regarde que on a perdu son temps, mais bien plus que cela, on a nui à sa personne, on a nui à sa société, et on a perdu son temps, et on a perdu son temps en des choses nuisantes. La phrase qu'il a dit, la'alla al-kalimat allati antafi'u, j'ai dit la phrase qu'il a dit, rahimahullah, la'alla al-kalimat allati antafi'u biha lam aktuba ba'd. Ça, c'est le fait de profiter à soi-même, d'apprendre pour profiter à soi-même. Et la phrase qu'il a dit, la'alma ba'da an-nubuwati afdala min bathi al-'ilm, ça, c'est la da'wa. Après avoir appris, tu dois apprendre, tu dois enseigner, tu dois faire profiter ton entourage, tes amis, les individus de ce que tu as appris. Et c'est pour ça que Omar ibn al-Abdul Aziz, le khalifa Khamis, رحمه الله قال كما في صحيح البخاري الذي العلم لا يهلك حتى يكون سرا. C'est-à-dire le savoir ne disparaît que lorsqu'il s'enseigne en secret. C'est-à-dire que tu profites à toi-même seulement et tu ne l'apprends pas. Et celui qui regarde bien la vie des savants avant nous, il constate des histoires vraiment, il prend comme d'histoires vraiment extraordinaires comment il considérait que le savoir c'est vraiment la vie de l'individu et la vie du cœur avant le corps. Et comme exemple, on peut donner encore une histoire qui est arrivée à Abdallah Mubarak lui-même, qui par la ruse s'est introduit dans une prison. Par la ruse, il s'est introduit. Et on ignore la ruse. Peut-être qu'il a accepté d'être frappé. On ne sait pas comment ça s'est passé. Par la ruse, il est entré en prison pour apprendre des hadiths d'une personne qui était en prison. Bien sûr, qui était en prison injustement. وقال المولى سبحانه وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. C'est-à-dire, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et auquel nous avons donné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-il pareil celui-là à celui qui compte dans les ténèbres, qui reste dans les ténèbres et dont il n'en sortira pas. J'ai ramené ce verset-là pour montrer ce qu'est la vie véritable et ce qu'est la mort véritable. Pour comprendre ce qu'est la mort et la vie ici, on ramène un verset et l'explication de grands savants, entre autres les successeurs du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. C'est-à-dire, oh vous qui avez cru, répondez à l'appel de Dieu et à son prophète, si vous appelez à ce qui vous fait vivre, et sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قال مجاهد لما يحييكم يعني الحق وقال قتادة هذا هو القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة وقال السدي هو الإسلام أحياهم بعد موتهم بالكفر. مجاهد qui est un des successeurs du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui vous fait revivre, c'est-à-dire la vérité. Et Qatada, qui est aussi un des successeurs, dit, c'est le Coran par lequel vient la vie, la confiance et la vie sauve, si on veut, et la garantie d'échapper à la déviation sur terre et d'échapper à l'enfer dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? L'islam, c'est l'islam par lequel il vous fait revivre. Il les a fait revivre après leur mort. Leur mort par le kofr, par la mécréance. Donc, on voit bien que ces termes se recoupent. Le Coran, l'islam, c'est la vérité. Le Coran, c'est la vérité, c'est l'islam. Et ça, le Coran, c'est le plus grand ilm. C'est le plus grand savoir. Donc, la vie, c'est effectivement, comme on dit, par l'ilm, le kitab ou le sunnah. Et c'est pour ça que Zuhri, rahimahullah, il disait, كَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ الْاِعْتِصَامُ بِالسُنَّةِ هُوَ النَّجَاحُ. C'est-à-dire le fait de se comprendre à la sunnah, c'est par là, si on veut, qu'on réchappe. Comme j'ai dit, on réchappe de la déviation sur cette terre et de l'enfer dans l'au-delà. Et celui qui ne connaît pas la sunnah ne peut pas s'y comprendre. Et la sunnah, c'est la sunnah qui explique mieux le Coran. Donc, celui qui s'agrippe bien à la sunnah, qui l'apprend, c'est la personne qui vraiment réchappera de l'enfer, inshallah. Le deuxième point important relatif à la science et au savoir, c'est le respect des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. Au sens, celui qui emprunte le chemin pour chercher le savoir, c'est-à-dire qu'il va pour apprendre, Dieu lui facilite le chemin, un des chemins, du chemin du paradis. Et les gens, les anges baissent leurs ailes par respect, par accord pour celui qui demande la science, qui cherche à apprendre. Et le peuple des cieux et de la terre demande pardon aux savants, même les poissons dans l'eau. Et le savant dépasse par la valeur, l'adorateur, comme la lune, lorsqu'elle est pleine, lorsque c'est la pleine lune, dépasse le reste des étoiles. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé un héritage d'argent, c'est-à-dire, il a utilisé comme expression, ni de dinar, ni de dirham. Mais leur héritage, c'est la science, et celui qui prend cet héritage, il a pris une chose vraiment immense, extraordinaire. Dans ce hadith-là, on constate le degré élevé du savant. Et on constate le respect que lui portent les anges et toutes les créatures qui n'ont pas comme l'homme de perversion et de déviation du droit chemin. Et on remarque aussi que le savant, c'est la clarté par laquelle se guident les gens dans les ténèbres. C'est ainsi qu'il a comparé à la lune, à la pleine lune, comparativement aux étoiles. Et il a dit, et les savants sont les héritiers des prophètes. C'est-à-dire que les savants, ce sont, si on veut, les successeurs des prophètes. Parce que Dieu dit dans le Coran, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. C'est-à-dire Dieu a dit qu'il vaincra lui et ses prophètes. Après la mort des prophètes, qui va vaincre? Ça ne peut être que ses successeurs, c'est-à-dire les savants. Ça nous montre, ça nous guide vers la réalité qui est la suivante, c'est-à-dire la victoire, la vie, comme on a dit, le bonheur sur terre et dans l'au-delà, c'est dans la science et dans le fait de propager la science. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, et celui qui prend la science, il a pris une chose immense, une chose extraordinaire. C'est pour cela qu'un des savants marchait dans un certain village, un des savants anciens, marchait dans un village, et les gens ont appris que tel savant était parmi eux. Ils ont commencé alors à les suivre, jusqu'à ce que leur nombre soit devenu immense. Et jusqu'à ce qu'ils aient soulevé une poussière immense, et lui, le savant marchait, et les gens marchaient derrière lui. Une vieille alors a demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette poussière? Alors les gens lui ont parlé, c'est un tel, un grand savant. Alors elle a juré, elle a dit, ça c'est le royaume. Ça, c'est... Et c'est ainsi qu'on constate que les anciens respectaient bien leurs savants. Et c'est pour ça que le bien était parmi eux, et le bien était en eux. Et à cette époque-là, quand le mal a gagné, si on veut, dans la prépondérance, le bien, nous, rares sont ceux parmi nous qui respectent les savants. Et c'est pour cela que, à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains gens, parmi les successeurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont commencé à insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là, ce sont les ancêtres des chiites qui sont à notre époque. Alors, Abu Tawbat al-Halabi, le grand savant, a dit, Muawiyah, parce que Muawiyah, c'était lui qui était le plus insulté, si on veut, par ces gens-là. Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, alors Abu Tawbat al-Halabi l'a dit, Muawiyah sitran li ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fa man kashaf al-sitra, c'est-à-dire, Muawiyah n'est qu'un des compagnons. Si, et si on veut, c'est le voile qui interdit aux gens d'accéder aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un des individus enlève ce voile-là, c'est-à-dire insulte Muawiyah, alors il a enlevé le voile, et n'importe qui alors peut insulter les compagnons. Et pourquoi j'ai cité cette parole? Pour montrer que c'est la même chose pour les savants. Si quelqu'un ouvre la voie dans l'insulte des savants, alors cette voie-là se fermera plus et il n'y aura plus personne qui respectera les savants, même parmi les générations suivantes. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man sallama fil islam sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amina biha » من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. C'est-à-dire, celui qui ouvre une voie, qui trace une voie, qui fait revivre une sunna, celui-là, il a les récompenses de tous ceux qui suivent. C'est-à-dire, si 100 personnes suivent cette sunna qu'il a fait revivre, alors les 100 il a les récompenses de 100 personnes. Si c'est 1000 personnes, alors il a les récompenses de 1000 personnes, et ainsi de suite, sans que cela influe sur les récompenses des personnes elles-mêmes. Et la même chose, celui qui ouvre une voie mauvaise, qui montre aux gens un mauvais exemple, alors il a les punitions, les châtiments de tous ceux qui le suivent, sans que ça influe sur le propre châtiment. Donc, dans le fait de respecter les savants et de ne pas les insulter, il y a premièrement le respect, premièrement la suite des recommandations du Coran, de la Sunna, et en plus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des savants. Et certaines paroles qu'on entend à droite et à gauche, certaines personnes disent ce savant-là ne comprend rien. Par exemple, dans le fiqh, tel autre ne comprend rien dans le hadith. Le troisième savant ne comprend rien dans le waqa. Et finalement, un tel, il est entre quatre murs, dans sa zawiya, il n'en sort pas. Si on constate bien, ce sont des paroles qui sortent des gens sans aucune importance, en vérité. Mais certaines personnes croient que ces gens-là ont de la science, mais en vérité, comme a dit le poète, « Laqad khala lakil jaw, wa bayidi wa safiri » C'est-à-dire, tu te trouves dans un endroit où personne qui a du ilm n'est présent, donc tu peux parler comme tu veux, mais s'il y avait même un petit des gens, des ulama, tu ne pourrais pas.